Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et le rétablissement d'un état de droit Sénared se trouve en réunion à Bruxelles, en Belgique. Une rencontre à laquelle ont été conviés des représentants des partis politiques se trouvant au Burundi. Au menu, leur participation au prochain round de négociations interburundaises. Une attaque à la grenade a fait 3 personnes tuées dans la commune de Mugamba le soir de ce mercredi, alors qu'un adjudant de l'armée burundaise est mort hier soir dans les locaux du Service national des renseignements à Bujumbura. Des incendies de ménage s'observent ces derniers jours dans la commune Rusaka en province Mwaro, mais les auteurs de ces actes criminels confirmés par l'administration locale ne sont toujours pas identifiés. Et la justice burundaise affirme avoir manqué d'interlocuteurs parmi les responsables de Radio Bonesha FM en vue de la réouverture de cette station. C'est le porte-parole du Conseil national de la communication qui le dit, plus de 17 mois après la fermeture de certains médias privés. Burundais en international, nous irons au Gabon. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine veut déployer des observateurs pour assister les juges chargés d'arbitrer le scrutin présidentiel du 27 août. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Des délégués du Conseil national pour le respect des accords d'Arusha et le rétablissement d'un état de droit Sénared se trouvent en réunion à Bruxelles, en Belgique. Une réunion à laquelle participent des délégués venus du Burundi, à savoir ceux des partis politiques comme le MRC, le Frodebou, le MSD, le Parina et du parti KZFDD. Selon nos sources, cette plateforme de l'opposition politique burundaise, essentiellement en exil, affine ses stratégies de participation aux prochaines étapes de négociations interburundaises qui se déroulent habituellement à Arusha en Tanzanie pour résoudre la crise burundaise intervenue depuis la veille des élections de 2015. Cette concertation se termine ce vendredi par une conférence publique. Le porte-parole du Sénared nous a dit qu'il pourra s'exprimer pour d'autres informations après cette réunion. Je vous l'avais dit, un adjudant du nom de Eddy Claude Nyongera a trouvé la mort dans les locaux du Service national de renseignement au moment où il subissait un interrogatoire. Là, nous sommes à Bujumbura. Selon des informations se trouvant sur le compte Twitter de Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, ce militaire se serait suicidé par grenade. Contacté par la rédaction Isanganiro, Pierre Nkurikiye n'a pas voulu donner plus de détails. Et 3 personnes sont mortes dans une attaque à la grenade perpétrée contre un ménage de la commune Mugamba. Nous sommes dans la province de Bururi. C'était le soir de ce mercredi. L'auteur de ce crime n'a pas été identifié. La police à Bururi avance qu'un conflit foncier serait à l'origine de ce meurtre. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misago. Cette attaque menée par un inconnu vers 16h20 de ce mercredi a été confirmée par la police de Bururi. L'explosion d'une grenade visait le ménage d'un certain Bitama sur la colline Munini en commune Mugamba et lui, sa deuxième épouse et leur enfant y ont laissé la vie selon des sources policières à Bururi. La police y est arrivée au moment où le criminel était déjà parti. Alors que certains se demandent comment un criminel peut commettre un tel forfait et partir sans s'inquiéter à cette heure-là, les habitants de Mugamba interrogés disent qu'un criminel fait tout pour se camoufler. Alors qu'une certaine opinion laisse croire que Bitama et les siens ont été victimes de la collaboration de Bitama avec la police pour identifier et arrêter les présumés perturbateurs de la sécurité de Mugamba, la police à Bururi, elle, évoque la piste de règlement de compte liée à un conflit foncier. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Il s'observe des actes de criminalité comme des incendies de ménage depuis un certain temps sur la colline Murambi. Nous sommes dans la commune de Rusaka en province Mwaro. Le chef de la dite colline, Michel Mfobogo, confirme les faits. Il dit néanmoins ne pas pouvoir identifier les auteurs de ces actes. Michel Mfobogo compte rencontrer dans une réunion les habitants de sa localité en vue de se convenir sur le comportement à adopter. Léonce Vitalio. Ces incendies se sont déjà déclarés sur deux sous-collines, à savoir Wulima et Kizenga. Pour la première fois à Wulima, les habitants pensaient à un simple accident. Ils se sont inquiétés avec le temps après avoir vu que le phénomène se répand sur d'autres ménages. Celui-ci, c'est l'un des membres des familles qui ont été touchés. Il y rapporte les faits. Il y a deux semaines, deux ménages ont été brûlés en un jour. C'est dimanche qu'on a incendié chez nous. Avant, on avait brûlé une colline et un ménage d'un voisin. Les habitants de Murambi demandent aux responsables administratifs de tout faire en vue de faire cesser ces actes dont les auteurs restent inconnus jusqu'ici. Ce sont des actes criminels dont nous ne savons pas encore les auteurs. Seulement nous appelons les administratifs, chefs collinaires, administrateurs communaux à les combattre puisque ce sont des gens qui veulent nous faire du mal. Ces incendies sont confirmés par le chef de la colline Murambi, Michel Fowogo, de même que les familles qui sont déjà touchées, dit ne pas en savoir les auteurs jusqu'à ce jour. Ce qu'il compte faire, c'est de se concerter avec la population de sa colline pour se convenir du comportement à adopter. Nous allons nous réunir et voir comment faire des rondes, mais également nous renseigner sur les auteurs de ces actes et leurs objectifs. En tout cas, ces faits proviennent de l'extérieur des ménages touchés. Oui, on s'en est parlé avec l'administrateur communal. Je lui ai donné le rapport, mais aussi je l'ai renseigné sur téléphone. En une période de deux semaines, trois ménages ont été les cibles de ces incendies. Une des sous-collines de Murambi, à savoir Kizenga, a également pris feu. Merci Léon. C'est dans la commune Moutao, le chef de zone, Louis Sabé, a été blessé à la tête. Cette horreur a été commise lorsqu'il se rendait chez un certain privat pour empêcher une réunion des membres du FNL, Eldegaton Wassa. Cela a été nié par le président du FNL dans cette commune. Denis Ndachai Saba indique que la cohabitation entre les FNL et les Imbonerakure n'est pas du tout bonne. Arthur Kavabushi, correspondance. Selon l'administrateur de la commune Moutao, Denis Nyomuhani, c'était vers 17h de ce mardi lorsque le chef de zone Eguisabe Ndai Kengurki et Ferdinand est passé au domicile de Priva, un membre du FNL, en train de tenir une réunion en compagnie d'un certain Elvis. D'après la même source, cette réunion réunissait 50 personnes et son responsable de la zone n'a pas interrompu cette réunion et est allé à la colline appelée Kuibubu. L'administrateur indique que c'est vers 20h30 quand ce chef de zone est rentré chez lui qu'il est tombé dans l'embuscade de ces 50 personnes armées de bâtons à la colline de Bgerangabo et que lui, il n'était accompagné que par 5 personnes. Vu l'effectif de ceux qui les attaquaient, l'administrateur fait savoir que les 5 personnes ont pris fuite et que la population est venue au même moment à son secours, mais que Priva et Elvis ne l'ont pas relâché. L'administrateur souligne qu'à ce moment, il venait d'arriver avec la police et que cette dernière a été obligée de tirer en l'air. Du coup, Priva et Elvis ont relâché le chef de zone qui a été évacué vers l'hôpital de Moutaro et que les deux ont été amenés au cachot. Cependant, le président du SNL, Eldagaton Gwasa à Moutaro, Denis Ndachai Saba, fait savoir que sur les collines Bgerangabo, Kinyinya et Rurengera de la zone Gwisabe, la cohabitation entre les SNL et les Imbonerakure n'est pas du tout bonne. Il dit que les Imbonerakure accompagnaient le chef de zone pour arrêter un certain Jérôme, également membre du SNL et d'Agaton Gwassa, et que lorsque la situation est tournée au vinaigre, un Imbonerakure du nom de Pierre s'est trompé et qu'au lieu de frapper à la machette Jérôme, il a frappé le chef de zone, le blessant grièvement sur la tête. Ce chef du SNL indique que ce mercredi matin, les Imbonerakure ont fait une rouille et perquisition sur les collines Kinyarulengera et Gwisabe. Un responsable du FNL sur la colline Rulengera, Nesson Rondaïsawa, et qui a été blessé, dit qu'il a pu s'échapper la veille et que le matin de ce mercredi, il s'est rendu au conseiller du chef de colline, mais qu'il a été ligoté par les Imbonerakure et ensuite il a été tabassé. Il indique qu'après, l'officier de police judiciaire à Moutaro lui a relâché pour aller se faire soigner, mais il souligne que la cohabitation n'est pas du tout bonne entre les FNL et les Imbonerakure. Sachez que le conseiller du gouverneur de Gitega, accompagné du commissaire provincial de la police et du chef de la documentation, ont tous demandé que les enquêtes se fassent vite et qu'actuellement, les 12 membres du FNL sont au cachot et 4 autres sont à l'hôpital pour se faire soigner. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur. Deux personnes sont atteintes de l'épidémie de choléra à la colline Kivungwe, en commune Mutambu de la province Bujumbura. Elles ont été acheminées au centre de traitement se trouvant à Kabeizi. La population craint la propagation de cette maladie. Les administratifs conseillent de bien aménager les sanitaires et respecter les 10 mesures d'hygiène pour prévenir cette maladie. Le ministère en charge de la santé nous a dit que il allait faire une réaction dans l'après-midi après une réunion sur cette épidémie. Il est 13h05 à Bujumbura. Vous êtes branché sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, la justice burundaise a manqué d'interlocuteurs parmi les responsables de Radio Bonesha FM en vue de la réouverture de cette station. C'est l'affirmation du vice-président du Conseil national de la communication et porte-parole du Conseil. Gabriel Bihomugani précise ceci au terme d'une année et 5 mois après la fermeture de certains médias. C'était au mois de mai 2015. Il appelle les journalistes de cette radio, travaillant sur le site web de cette station, à se faire enregistrer au CNC en vue de ne pas avoir d'ennui pour accéder aux sources d'informations. Suivez Wihomugani Gabriel. La radio Bonesha FM pouvait aussi bénéficier de l'autorisation de retransmettre, mais la justice précise bien qu'elle a manqué d'interlocuteurs. Il y a un représentant de la radio Bonesha qui écrit de temps en temps au procureur général de la République, lui demandant de permettre que la radio Bonesha puisse réouvrir ses portes. Mais celui-là se limite uniquement aux écrits, mais il ne se présente pas devant le procureur général de la République pour peut-être répondre à certaines questions. Parce qu'en matière judiciaire, si un dossier a été ouvert pour enquête, le dossier doit être clôturé. Avant de clôturer alors ce dossier, il est difficile de permettre à ce médium de réouvrir justement avant de clôturer les enquêtes. Raison pour laquelle nous interpellons le responsable de la radio Bonesha de se présenter en personne devant les autorités judiciaires pour répondre à certaines questions pouvant éclairer surtout au niveau des enquêtes. Le CNC ne peut pas sommer des questions judiciaires, mais le CNC doit s'informer du blocage ou bien du problème qui empêche que les dossiers judiciaires en rapport avec les médias puissent avancer. Et dans ce cas, le CNC cherche des voies et moyens pour que ces dossiers puissent avancer. De l'autre côté, si j'avance sur la radio publique africaine, RPA, vous savez que la RPA avait été fermée avant le 13 mai par une décision judiciaire. À Yumvise. S'agissant de la radio télévision Renaissance, elle aussi, elle a été détruite par détruite lors des événements qui se sont passés le 13 mai 2015. Il y a un blocage causé par le directeur même de la radio. Voilà, c'était Gabriel Bihomugani. Il est porte-parole du Conseil national de la communication. Il en est également le vice-président, vous venez de l'entendre, pour les stations Radio Publique Africaine et Radio Télévision Renaissance. Le vice-président du CNC fait savoir que seule la décision de la justice permettra leur réouverture. Par contre, les responsables de la radio Bonesha FM ont promis de s'exprimer ultérieurement. Plus de 80 000 élèves de la 9e fondamentale et ceux de la 10e année ayant échoué au concours risquent d'être manipulés ou de se marier avant l'âge légal pour les filles si elles passent une année sans encadrement et qu'une commission qui étudie cette question n'est pas mise en place. Et cela a été dit par Maître Jacques Nshimirimana, président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, après que la ministre de l'Éducation ait affirmé que les élèves qui n'ont pas réussi à ce concours vont attendre une année chez eux avant de repasser le concours. Maître Jacques Nshimirimana dit que 80 000 élèves qui vont errer dans les rues sans encadrement est en risque pour le pays. Suivez-le, il était au micro de Dorine Ndayirorere. 80 000 élèves qui vont rentrer chez eux, 80 000 élèves qui vont errer dans les rues, 80 000 élèves qui vont passer toute une année blanche sans rien faire, sans encadrement. C'est vraiment un haut risque pour la société burundaise. Au niveau de la fédération, nous sommes très concernés par cette situation et nous appelons aux responsables du ministère de l'Éducation de prendre toutes les mesures possibles pour éviter que cette situation risque d'empirer la situation du pays. Parce que 80 000 élèves élèves, ce sont des filles, ce sont des garçons, ce sont des jeunes qui sont facilement manipulables, ce sont des jeunes filles qui peuvent se marier avant l'âge légal, et cela va faire reculer les avancées que le Burundi avait déjà réalisées en matière de promotion des droits de l'enfant. Quelles sont vos propositions par rapport à cette mesure prise pour ces enfants? Nous proposons immédiatement qu'il y ait une commission qui étudie cette question, une commission qui vérifie réellement si ça valait la peine de tenir compte de la note que le ministère a publiée. Une commission qui étudie toutes les stratégies possibles d'encadrement de ces jeunes pendant toute cette année. Et deuxièmement, nous avons une préoccupation par rapport aux élèves qui étaient en 10e année, donc qui ont fait le test national et qui, pour eux, vont reculer une année. Parce que cette année, on a connu deux tests, donc le test de l'école fondamentale en 10e année et le test de l'ancien système en 10e année. C'est-à-dire que l'enfant qui a échoué en 10e année, lui, il ne va pas attendre seulement une année, mais plutôt il va reculer parce qu'il va faire l'examen ensemble avec les enfants de la 9e année et sur une matière qu'il n'aura pas vue. Tout cela met vraiment en danger les élèves. C'était Maître Jacques Chimirimana de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Et pour terminer l'actualité nationale, grogne des propriétaires de véhicules dans l'endroit de certains pompistes de Ngozi qui exigent des pots de vin avant de servir leurs clients en carburant. Ces derniers s'étonnent du fait que cela se fait en présence des policiers qui sont censés assurer l'ordre. Apollinaire Muzagara. Les propriétaires de ces véhicules déplorent que ces pompistes exigent des pots de vin au grand jour sans craindre qui que ce soit. L'exemple le plus récent est celui de Somme Électrique, où sur certaines stations d'essence, on exigeait 5000 francs bout à toute personne qui voulait du carburant de plus de 20000 francs. Ces pompistes disent que ces clients partaient vider les réservoirs pour vendre son lubrifiant au marché noir. Ce n'est qu'un prétexte car cela est la pratique des conducteurs de ta voiture, dite Kago Ongo et Probox, avec la complicité de ces pompistes et tant que ces clients, les conducteurs de ces taxis-voitures s'approvisionnent à plein, puis vident le réservoir pour revenir faire la queue, d'où des files indiennes permanentes. Cela accentue le commerce frauduleux du carburant au marché noir dans cette province. Certains policiers qui assurent l'ordre sur ces stations sont également pointés du doigt dans ce commerce moyennant de l'argent, déplorent ces clients. Ils félicitent néanmoins les autorités policières d'Ongozi qui, des fois, mettent la main sur des bidons d'essence cachés dans les maisons après avoir été informés par la population d'Ongozi. Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale au Pakistan, on parle de 4 morts sans blessés dans une collision de train dans la matinée de ce jeudi. Au Gabon, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine veut déployer des observateurs pour assister les juges chargés d'arbitrer le scrutin présidentiel du 27 août. Et en RDC, suite à un accord entre l'opposition et le pouvoir en place, il a été annoncé ce mercredi que le calendrier électoral va bien commencer par l'élection présidentielle. Karine Boutoui. En République démocratique du Congo, l'opposition revient au dialogue après un accord trouvé sur les élections à l'issue d'un conclave entre 5 délégués de la majorité et 4 de l'opposition. Comme nous le lisons sur le site RFI, on sait ce mercredi que le calendrier électoral va bien commencer par l'élection présidentielle. Présidentielle, législative et provinciale couplées, c'est le complot qui a été trouvé. La présidentielle d'abord, c'est ce que voulait la délégation de l'opposition. Elles ne seront organisée avec les 3 autres que si financièrement et techniquement c'est possible. L'opposition retourne donc ce jeudi 15 septembre à la table des négociations. Au Gabon, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine veut déployer des observateurs pour assister les juges chargés d'arbitrer le scrutin présidentiel du 27 août dans l'examen de recours déposé par les candidats. Le Conseil de sécurité et de paix de l'UA recommande que ces observateurs soient sélectionnés parmi d'éminents membres des hautes juridiction africaine francophone. Selon la BBC Afrique, l'opposant Gabon Jean Ping, ancien président de la commission de l'UA, a déposé le 8 septembre un recours devant la Cour constitutionnelle du Gabon pour faire annuler les résultats d'Ona Ali Bongo Ondimba, vainqueur de l'élection présidentielle. Au Pakistan, les responsables locaux ont annoncé qu'au moins 4 personnes ont été tuées et une centaine blessées dans une collision entre 2 trains jeudi matin dans le centre du Pakistan. Selon le journal Le Monde, l'accident s'est produit près de la ville de Multan quand un train de passagers à destination de Karachi a percuté un train de fret qui s'était arrêté après avoir renversé un homme qui traversait la voie. Abdou Djabbar, porte-parole de la protection civile locale, a affirmé à la FP qu'il y avait plus de 100 blessés. Merci Karine, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'en rappelle la charpente avant de nous séparer. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et le rétablissement d'un état de droit Senared se trouve en réunion à Bruxelles en Belgique, une rencontre à laquelle ont été conviés des représentants de partis politiques se trouvant au Burundi. Au menu, leur participation au prochain round de négociations inter-burundaises. Une attaque à la grenade a fait 3 personnes tuées dans la commune de Mugamba le soir de ce mercredi, alors qu'un adjutant de l'armée burundaise est mort hier soir dans les locaux du service national de renseignement à Bujumbura. La police dit sans plus de détails que la victime s'est suicidée. Des incendies de ménage s'observaient ces derniers jours dans la commune Rusaka en province de Mwaro, mais les auteurs de ces actes criminels confirmés par l'administration locale ne sont toujours pas identifiés, alors que la justice burundaise affirme avoir manqué d'interlocuteurs parmi les responsables de Radio Bonesha FM en vue de la réouverture de cette station. C'est le porte-parole du Conseil national de la communication qui le dit plus de 17 mois après la fermeture de certains médias privés burundais. Il a ajouté que, en ce qui concerne la RPA et la radio-télé Renaissance, que c'est la justice qui s'en charge. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Mise en onde par Eric Ouimana, au micro Jean Bosco d'Ouimana. Un bon après-midi.